On continue l'aspect française avec une nouveauté, et c'est même une doublette complètement Hail Satan. Corpus Diabolis, tout d'abord, voilà, nouvelle formation française que l'on rentre dans l'émission de ce soir. Enfin, nouvelle formation française, ça existe depuis 2008, mais c'est une nouveauté pour nous ce soir. Ça nous vient de Marseille, le 5e effort studio voit le jour chez Les Acteurs de l'Ombre. Un black qui se veut vraiment occulté, incantatoire, ésotérique et chiadé à la fois. Les compos font 5 à 10 minutes, un global d'une heure de musique et un très bon équilibre entre les parties plutôt frontales et les passages un peu plus atmosphériques, incantatoires et voire même grandiloquents. En doublette avec Corpus Diabolis, Ecclesia, on est sur du heavy doom actif depuis une presque dizaine d'années. À la croisée du doom épique et du heavy traditionnel, voilà, un peu comme si Candelmas et Grand Magus accouchaient d'un album en commun. On retrouve, et ça c'est vraiment pas banal, Arnvald, vocaliste de Disco Society, qui là nous propose, comment dire, une ouverture vocale absolument incroyable. On est bien bien loin du black haineux de Disco Society. Là on est sur quelque chose de heavy et même power metal dans les montées aiguës. Enfin, excellent vocaliste. Voilà, une très très bonne doublette dans l'aspect française de ce soir. Une de plus, me direz-vous, en toute sobriété. Corpus Diabolis, Kate ou Lucifer and Joy, extra album Elixiria Ectasis. Ecclesia, Reptor Vere Fideis, extrait de l'album Ecclesia Militans, et tout ça, c'est bien sûr déjà disponible. Et on va clôturer l'aspect française avec une dernière doublette pour l'émission d'aujourd'hui sur cette séquence hexagonale. Avec tout d'abord Grand Froid, formation qu'on vous diffuse depuis la précédente émission. Ça nous vient du Mans, c'est leur première sortie studio. On est sur du crusty punk, blackening sludge. C'est crasseux, c'est haineux, c'est viscéral et c'est super bien fait. Ça peut nous renvoyer sur un crossover entre les premiers albums de Fange et même Pylori. Voilà, ça s'écoute très très bien, Grand Froid. Et en doublette, on va se réécouter un titre de Mary Mac, vous avez aimé, nous on a adoré, donc on va pas bouder notre plaisir. Grand Froid, Declaration of War, extrait d'album Siegfried. Mary Mac, on va se réécouter un titre, extrait d'album of Grace and Gravity, avec le titre Under the Aimless Spheres. C'est parti. Yeah. Toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est encore ensemble pour une émission en différé. Et après l'aspect française, retour à la diff internationale, avec encore, ma foi, des bonnes petites nouveautés à se présenter. Final Resting Place, tout d'abord, ça nous vient des US. On est sur quelque chose qui n'a absolument aucune tendresse. On est sur un putain de crossover entre Brutal Death et Hardcore. Ça pue la vaisselle, hein, parce que c'est une caisse claire Tefal, comme j'adore. Gros line-up, hein, parce que dedans on retrouve des membres de Sanction, Vomit Force et autres Simulacra. Une première sortie studio avait vu le jour chez Death Records, ni plus ni moins. Voilà, et 5 compos pour une quinzaine de minutes. C'est sale, c'est massif, ça dégouline les années 90 et ça moche à fond de cale. Final Resting Place donc. On a ensuite avec eux Slime Lord, là c'est un groupe qu'on vous a présenté la semaine dernière, c'est du Death Doom qui nous vient de Leeds. Une sortie, encore une fois fort qualitative, de chez 20 Bucks Spin. 3 EP avaient vu le jour avant ce premier album studio. Des compos qu'on va découvrir de 5 à 8 minutes. Ce qu'on va pouvoir appeler même cette scène qui se développe de plus en plus, du Swamp Death Metal. Une musique qui pue les marécages, c'est crado comme pas possible. Les lignes vocales sont suffocantes, dérangeantes. Enfin, c'est excellent le travail qui est fait au niveau du chant. Voilà, Slime Lord à découvrir de toute urgence si vous ne connaissiez pas. Au niveau des titres choisis, Final Resting Place, Riding of Impurities, extrait de l'EP Prelude to Extinction. Death Records aime bien la haine. Slime Lord, Slay the Mudscape, extrait de l'album Critio Diomachosis, Relinquished. Et tout ça, bien sûr, c'est déjà dispo. Yeah. du grand nord et du grand froid pour l'avant-dernière doublette pardon, de l'émission de ce soir. Et une toute dernière nouveauté, Quantique Lépreux, le groupe de métal noir qui nous vient du Québec, actif depuis une dizaine d'années. C'est déjà le troisième effort studio qui voit le jour. Un nouvel effort de 7 titres, 40 minutes d'un black metal qu'on ne présentera plus, typiquement québécois. C'est froid, c'est rugueux, c'est mélancolique. Et c'est un gros line-up qui se renifle bien le fion de la scène du Québec, puisque dedans on retrouve des membres de Chasse Galerie, Délétère Fortress, etc., etc. Un line-up du coup ultra expérimenté, ultra compétent, et ça s'en ressent sur cette nouvelle sortie studio, encore une fois, ultra solide, inspiré et hautement qualitatif, comme le Québec sait si bien nous en servir. Amferd, ensuite, hein, c'est géographiquement éloigné, mais musicalement pas trop loin cependant. Amferd, donc ça nous vient des îles Féroé, c'est actif depuis une quinzaine d'années, c'est le troisième effort studio qui vient de voir le jour. 8 titres, chaque compo fait autour de 5 bonnes minutes. On est sur du Death Doom, qui tend parfois même le Funeral Doom, c'est épique et mélancolique à souhait. Des textes chantés en féroïen, ce qui ajoute encore à la dimension massive et rugueuse, surtout de la musique de Amferd. Des lignes à la fois claires et grôlées. Voilà, très très très bonne nouvelle sortie, encore une fois, signée Amferd. Au niveau des morceaux choisis, Quantique Lépreux, le titre Fuir, extrait de l'album Le Bannissement, tout est lié. Amferd, Yulvia, extrait de l'album Mengets Uns der Sterk. Une sortie Metal Blade, et ça va, mon ferroïen tient toujours la route. C'est parti. Dernière doublette et clôture d'émission pour aujourd'hui avec tout d'abord Siverus, groupe qu'on se présente depuis quelques semaines maintenant. C'est du Blackening Death Doom, ça nous vient de Californie, actif depuis très peu d'années, hein, 2019. Une sortie bien quali, hein, signée 20 Buckspin, c'est leur second album studio. Les compos vont de 5 à 10 minutes, c'est violent, c'est rampant, c'est travaillé, on est clairement sur du Caveman Blackening Death. Musicalement, coucou Blood Incantation Spectral Voice, et même le côté bien crado d'un grève Miasma. Voilà, on a déjà pas mal présenté ce nouvel effort de Kiverus, ou Siverus, je suis un peu perdu sur la prononciation. In Clover, pour clôturer, voilà, très bonne EP des Belges, donc on va pas se priver d'une nouvelle écoute. Lowest Form, on va s'en écouter l'extrait Damage Control en clôture, et juste avant ça, Levitation tombe. Sur ce, très bonne fin d'écoute à toutes et à tous, excellente fin d'émission, bonne fin de soirée, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao! Thank you. Everything back with me. I'm taking back control. Just to my head.